Dans la vie, il y a les méchants et les gentils. Get it? À Kick, on a les deux. Jusqu'à 9h30, le meilleur des deux mondes, avec Louis Arcan. Le mémoire de Jean Tremblay, publié devant la commission Bouchard-Taylor, suscite plein de réactions. On n'a jamais vu ça à Ville-Saguenay. Il y a 230 personnes qui ont consulté le mémoire en ligne depuis jeudi dernier. Semble-t-il qu'on reçoit des centaines de courriels à l'hôtel de ville. 75 à 80% seraient en faveur des propos de Jean Tremblay. Il y en a évidemment qui sont contre. C'est sur les accommodements raisonnables. Oui, madame. Et hier, Pierre Mailloux, le Doc Mailloux, faisait une chronique sur les ondes d'une station de RNC Média en Abitibi. Voici ce qu'a dit hier le Doc Mailloux. Saguenay, Chicoutimi a un sacrament de problème avec un taré comme ça à sa tête. J'aime autant vous le dire. Ce n'est pas sans raison que Chicoutimi est la capitale nationale du chômage dans le Canada entier. Ce n'est pas sans raison. Moi, je vais finir par croire que il y a un pourcentage important d'individus de ce coin-là qui sont simplement des tarés à la mammouth. Hey, le gars est complètement marteau. Faudrait le dire. Jean Tremblay est marteau, Jean Tremblay est taré, et une partie de la population de la région l'est aussi. Quand un doc, un psychiatre en plus, parle, normalement ça devrait être vrai. Doc Mailloux est en ligne ce matin. Bonjour, M. Mailloux. Oui, bonjour, Louis. C'est pas parce que je suis docteur ou psychiatre que c'est vrai. C'est que je vous invite à réfléchir sérieusement à la gang. Parce qu'à 75-80% en faveur d'un mémoire, d'un taré, vous avez un sacrement de problème. C'est pas sans raison, puis je le répète, c'est pas sans raison que vous êtes la capitale du Canada du fromage. Ouais, mais j'essaie de faire le lien, là. Vous choisir autre chose qu'un taré comme leader, hein? Mais là, c'est-tu le doc qui parle ou c'est le showman, le gars qui, quand il est dans les médias, fait un show? Écoutez, peu importe, est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je dis est inquiétant? Alors, fous-moi la paix avec le statut et commence par réfléchir. Il a écrit dans son mémoire que l'avortement demeure un crime et un meurtre. C'est qui cet arrêt-là que vous avez? Il y en a plusieurs qui le pensent. Hein? Il y en a plusieurs encore qui sont contre l'avortement. Vous êtes au-dessus des lois, Chicoutimi? Commencez donc par vous enlever les doigts dans le nez. Oui, vous ressemblez de plus en plus à une bande de tarés. Et qu'est-ce que ça veut dire, taré? Ouais, c'est quoi la définition? Ça veut dire un grave défaut nuisible à un groupe, à la société. Et vous en avez un. Vous devriez commencer à le rechercher. Écoute, de prétendre que le crucifix et la prière avant les séances du conseil municipal, c'est là pour rester. Allô, on est en 2007, les copains. Pourriez-vous allumer? Ah, mais lui, il a des convictions religieuses. Il les exprime. C'est son droit de le faire. Il a beau être dans le champ, il a pas été élu pour faire de la religion. Ben là, fais pas ton taré toi aussi, là, parce que là tu viens, tu vois rien. Ben là, je sais pas qui est le plus taré, moi, Jean Tremblay puis Pierre Mailloux, là. Ben là. Hey, allume! Ben, allume! Oui, allume, doc, là, tu sais. Vous êtes donc, là. Pas habitué de réfléchir dans votre coin? Ben, voyons donc. Hey, est-ce qu'il y aurait... Il y en a un qui a pas réfléchi puis se ramasse devant les tribunaux actuellement puis l'ordre des médecins, ils veulent le mettre dehors, là. Est-ce qu'ils ont réussi? Ben, je sais pas, la suite des choses, on attend le jugement. Non, mais écoute, laisse faire les insultes, puis commence par réfléchir. Ben là, je laisse faire les insultes. Alors, qu'est-ce que tu viens de dire? Alors, qu'est-ce que tu as mentionné? Est-ce qu'il y aurait une différence entre affirmer sa foi religieuse et l'imposer à une collectivité? Jean Tremblay ne l'impose pas. Je prends pas sa défense, là, je me fais d'avocat. Hey, Louis... Pardon? Il l'impose pas, sa vision. Ok, je reprends. Ouais. Je reprends. Le crucifix et la prière avant les séances du conseil municipal sont aussi là pour rester. Moi, je trouve ça dépassé, honnêtement. Mais non, c'est pas ça, mon point. Tu es capable d'écouter ce que je dis? Oui, j'écoute. Bon. Alors, t'as mentionné, t'as dit que le type, il a le droit d'affirmer sa conviction, ses croyances religieuses. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Oui. C'est pas ça qui fait votre taré. Il les impose à la collectivité en imposant. Si tu sais pas lire, là, j'ai le journal devant moi. Il impose le crucifix et la prière avant les séances du conseil municipal. Il les impose. Ouais, mais il faut toujours faire attention à ce qu'on lit dans les journaux, parce que Jean Tremblay a dit, si on m'empêche, effectivement, de faire la prière avant les séances du conseil, je les ferai plus. Moi, on m'en a eu chez nous, puis je les ferai chez nous, les prières. Deuxièmement. Oui. Ce type-là est le maire de votre tribu. Il ajoute, l'avortement demeure un crime et un meurtre. Il se place au-dessus des lois existantes dans notre pays. Ce faisant, es-tu capable de voir ça? Là, si t'es pas capable de voir ça, ça donne rien de continuer la conversation. Non, mais J'entends ce que dit Jean Tremblay. C'est son opinion personnelle, tu sais. Non. Là, là, ce que je comprends, c'est qu'il y a un danger à se faire diriger par un gars comme Jean Tremblay en raison de ses convictions. Parce qu'il les impose. C'est un taré qui impose ses convictions à une collectivité, à votre société. C'est bon. Hey! Vous allez, vous êtes en train de creuser votre tombe, vous allez être dans d'èche longtemps avec des raisonnements comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire dans ce cas-là? Ayez un peu le sens critique, puis choisissez-vous des leaders qui ont autre chose à faire que d'imposer leurs croyances de tarés. Hey, dans la région, là, il pogne tellement Jean Tremblay dans la région, tout le monde le trouve bon. Son slogan, c'est le citoyen d'abord. Alors, il maintient Vous êtes la capitale nationale du chômage au Canada. Honte sur vous! Honte! Parce qu'on élit des gens qui n'ont pas d'allure, c'est ça? Je suis originaire de ce coin-là et j'ai honte de vous autres. De Normandin. Oui, j'ai honte de vous autres. Chicoutimi, qui était une ville si fière, est rendue la risée d'un pays. Vous êtes la risée. Ben là, pas tant que ça quand même. Non, il y a raison. C'est vrai qu'on fait rire de nous autres. C'est vrai. À cause de Jean Tremblay, vous pensez souvent, que c'est tout... Souvent, oui. Hey, déniaisez-vous, enlevez-vous les doigts dans le nez, Simonac. Mais... sur le plan psychologique, là, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Jean Tremblay? Ton taré, je le connais pas, puis je veux pas le connaître. C'est-tu clair? Alors, j'en ai assez de ces déclarations idiotes. Puis vous cautionnez ça à 75-80%. J'ai honte de vous autres. Je vais vous le dire en pleine face. Ça me gêne pas de vous le dire. OK. J'ai honte. Fait que donc, 75% des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont également des tarés. Il y en a un maudit paquet. Et les autres, c'est des suiveux. Ouais, mais les gens l'ont élu. Ils ne savaient pas, évidemment, qu'ils allaient prendre position de cette façon-là face à la religion. Les gens, ce qu'ils trouvent d'important, peu importe ses convictions religieuses, c'est qu'il fait la job à la ville, tu sais. En tout cas, selon certains. Ah oui, il fait tellement bien la job, capitale. Ça fait combien de décennies que vous êtes la capitale nationale du chômage au Canada? Vous battez Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Ouais, mais c'est pas juste la faute de Jean Tremblay. Vous battez tout le monde. C'est pas juste la faute de Jean Tremblay. Ah non, c'est pas c'est aussi les autres leaders dans la région qui ont peut-être pas fait leur job. Tu sais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, aux dernières élections, on a voté pour 5 députés péquistes. Vous choisissez des tarés comme leaders. C'est ça mon point. Réalisez-le au moins. Vous dotez dans notre système démocratique de véritables tarés comme leaders. Vous n'avancerez jamais, Louis. OK. Il faut se reparler avant les prochaines élections. Parce qu'on dit souvent que la mémoire des électeurs est très courte. Ça va peut-être les brasser un peu, puis ça va peut-être changer les choses. On est en 2007, pour votre information. Oui. Ça fait une secousse qu'il y en a un maudit paquet de votre région qui n'ont pas tourné leur calendrier. À ce point-là? Oui, à ce point-là. Ah non, je... Lorsque j'ai lu ça la semaine dernière, vendredi, dans le journal, je fulminais. Je suis issu. OK? Je suis d'une race qui ne sait pas mourir. Non, mais écoute, au Saguenay-Lac-Saint-Jean... Je suis d'une race qui ne sait pas mourir. Qui écrit ça? Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a encore... Qui a écrit ça? C'est à l'origine du... De Jean Tremblay. Bon. Pardon? Non. Je suis d'une race qui ne sait pas mourir. C'est soit Louis Aymon ou Menot Maître Draveur, là, qui est celui qui a écrit. C'est un des deux. Les deux romans, voyons. Ça vient de soit de Charlevoix ou de... dans Maria Chapdelaine. J'ai pas lu ça, honnêtement. Ben là, écoute... Mais... Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a encore bien des gens qui... Monseigneur Félix-Antoine Savard, c'est soit Louis Aymon ou Félix-Antoine Savard qui a dit ça. Et il l'a répété dans un des deux romans. Je ne vais pas vous induire en erreur. Nous sommes d'une race qui ne sait pas mourir. Et vous êtes devenus une race qui sait mourir. Ben voyons donc. Il y a encore des gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une race qui a appris à mourir. Il y a encore des gens. Ici, une région qui se tient debout, là, c'est bien le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On s'entend-tu là-dessus? Vous êtes la capitale nationale du chômage depuis 20 ans. Ben oui, mais on vit pas à Montréal, puis on n'est pas près des grands centres. C'est l'une des raisons qui explique pourquoi le taux de chômage est élevé. Quel âge as-tu, toi, Louis? Moi, j'ai 45 ans. T'es natif d'où? Je suis natif de la Mauricie. Ça paraît. Ah ouais? Tu connais rien au Lac-Saint-Jean. Ben voyons donc. Je commençais à pressentir que je parlais à un ignorant. Fait 27 ans que je vis au Lac-Saint-Jean. C'est un ignorant. Ben oui. Je connais rien aux racines de ce monde-là. Vous êtes ça paraît. Doc Mayou, vous êtes, très intelligent, vous avez fait de grandes études, puis c'est toujours vous qui avez raison. T'es un ignorant qui ne connaît pas ses racines. et qui ne connaissent surtout pas les racines de ce coin-là. À part insulter le monde, là, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? As-tu d'autres questions? À part insulter le monde, qu'est-ce que vous faites dans la vie? As-tu d'autres questions? Non. Alors, tu m'as appelé ce matin pour avoir mon opinion. Si mon opinion, là, te plaît pas, là, c'est ton sacrement de problème. OK? Ouais. Alors, tu voulais mon opinion? Non, mais je alors, fais un échange. Toi avec. Non, pardon? Alors, tu m'as payé pour avoir mon opinion. Tu l'as? Elle fait pas trop ton affaire, un matin. Ben, pas du tout. On discute. Voyons donc, c'est quoi, là? On discute, oui, oui. Ben oui. Ben oui, on discute. J'allais dire, il y a des gens... On discute dans l'ignorance. Un instant, là. Il y a des gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour qui la religion est très importante. Vous respectez pas ça? Vous dites que ce sont des gens qui sont dépassés, qui devraient pas croire? Je pense que tu vas avoir un bout de réflexion à faire. On est en 2007. Oui, puis? Ouais. Ben, je pose une question, J'ai l'impression de parler à un vieillard. Ah, ouais? Ouais. Pour 45 ans, tu fais vieux. Ah, ouais? Ben, je pose une question, moi, là. Il y a des gens pour qui c'est important, la religion. Ouais. Ce sont des gens qui sont tarés? Ce sont des gens qui devraient évoluer? Une tare, c'est une défectuosité physique ou psychique, généralement héréditaire chez l'être humain ou l'animal. Et c'est aussi un grave défaut, nuisible à un groupe, à la société. Alors, je vais te dire ceci en réponse à ta question. Les grandes religions sont tous des cancers de société. Sur une base individuelle, ça peut être attrayant. Oui, c'est très près de la pensée magique. Maintenant, ce n'est pas évolutif. Tous les fervents croyants stagnent. Et c'est ce que vous êtes. Alors, toi, à 45 ans, tu t'en vas défendre ça? T'es pas fort. T'as pas compris que les religions ont toujours été des prétextes de guerre. Prends l'Irlande. Oh oui, absolument, je vois très bien ça. Puis moi, la religion... Oh, merci de voir quelque chose. Et sur le plan individuel, un fervent croyant est nécessairement un individu au psychisme diminué parce qu'il a renoncé à son sens critique et à son autocritique. Et c'est exactement ce que tu as fait preuve pendant l'entrevue. OK. T'es pas fort au niveau du sens critique. OK. Et au niveau de l'autocritique, j'espère que t'es plus fort que ce que tu viens de nous démontrer. La religion ne véhicule pas certaines... Alors, t'aurais avantage à faire comme plusieurs, à aller réfléchir, mon Louis. Hey, la religion... Non, mais t'as pas eu, là. La religion ne véhicule pas certaines bonnes affaires, comme l'amour, entre autres. Hey, non. Si tu continues, tu vas t'enfoncer. Depuis quand que la religion véhicule l'amour? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? J'ai du mal à comprendre. Non, pas en tout. La religion véhicule l'amour. Bon, la bon. Religion véhicule le respect de l'autre. T'as rien entendu de ce que j'ai dit précédemment. Toutes les religions sont sources de conflits et de guerre. Allume, Louis Arcan. Oui, j'ai rien compris parce que c'est sûr que je comprends rien, tu sais. Oui, tu comprends pas vite. Exact. Non, Je vais aller consulter un psychiatre. Je pense que Va commence par aller réfléchir. Laisse faire les consultations, là. OK. Puis commence par aller réfléchir. À 45 ans, ouais. Je pensais que je m'adressais à un adulte qui est un petit peu plus réfléchi et qui a un peu plus le sens critique que ce que tu viens de faire. Parfait. Je prends note de ça, docteur. Oui, prends-en bonne note, puis utilise ce que t'as entre les deux oreilles. Ça va être intéressant comme échange. Parfait. OK? Hey, merci beaucoup. Bye. Hey, qu'on ait grandi. C'était le doc Pierre Maillot. Je comprends pourquoi le Collège des médecins veut le rasier. Monsieur Laval-Côté, directeur de chez Tanguay Chicoutimi, nous explique pourquoi il a choisi